large. Une balle dans la testa, tu verras qu'on est des rageux. Le bedrou en Beckham, ça fait comme David Beckham. Ça brûle le macadam, kilo de sun dans Jerrycan. Pas assez de conteneurs pour contenir mes partenaires. Système pénitentiaire fait en sorte que le matin devienne ton sparring partner. Dehors ça danse avec la mort, en buvant de la vodka, ambiance ardente. Ça deal avec le bracelet, braco à main armée. Mentalité d'acharné chez nous, quand c'est fait casser par un bélier. Sa petite carbiche, ne laisse pas traîner ton fils. Ou il sera raqueté par l'école du tournevis. Thomas, comment je démonte le chromie. C'est Rémi, jeunesse issue de la Zermie. Y'a pas de DS ni de folie, plutôt pétage de porte élevée au lit. Passe tous les clés d'un fait, fait qu'on le harac devant la police. Démarre le T-Max, les stars chez nous. C'est les barrettes et puis les Air Max. Accro au survêt, croco ou taquini. Oscarisé par la rue, ne viens pas nous taquiner. Je fais danser les caïds et rien même les gros bonnets. On a commencé par songer. On se retrouve à Amsterdam pour des putains de gros sachets. En mode déterminé, de la thune grosse ça passe à la classée. Forcément toute option n'est pas KMG. Pour les amateurs de poursuite qui foncent sur les barrages de flics. J'ai un filon à l'ombre à quel rap français. Un son hardcore, je garde ma technique. Le 59 repart à l'attaque. Pour les amateurs de poursuite qui foncent sur les barrages de flics. J'ai un filon à l'ombre à quel rap français. On est là pour des plans tactiques néfastes à ratata. Viens grailler mon festin, mais n'oublie pas ton partage. Père de gants, cargaison, adepte du pilotage. Fais péter le son tant qu'ils sont dans le coffre. Le rap français détenu en otage. Néfaste, un dégueu dans les parages. Viens grailler, ici y'a de quoi fumer. Viens grailler, ici y'a de quoi picoler. Viens grailler, un tas de filons. Pour faire un tas de billets, une paire de couilles et charbonner. Vous êtes tous conviés, association de malfaiteurs. L'instru, je vais là par choquer, ne soyez pas choqués. Ennemi de la République, depuis l'adolescence. Délit de faciès, ne me parlez pas de tolérance. Stylo, plongé dans les sens, je reste authentique. Des milliers de quartiers en France, j'affûte ma technique. Parmi les parano et les gringos qui veulent t'arracher le billet. T'es paro, j'suis paré, mode OP. Pratique de kamikaze, j'rêve de baiser le comico. Coco Rico, pour mes rapsus blanco et négro. C'est une invitation, rentre dans la danse. Des ennemis de la République qui viennent choquer la France. 59 ambiance, rien que du sein pour les Serbes. Sous contrôle judiciaire, qui continue le Nesby. Qui fuck la police et qui à la barre rit au nez de la justice. Pour les amateurs de poursuite qui foncent sur les barrages de flics. J'ai un filon à l'ombre à quel rap français. Un son hardcore, j'garde ma technique. Le 59 repart à l'attaque. Pour les amateurs de poursuite qui foncent sur les barrages de flics. J'ai un filon à l'ombre à quel rap français. On est là pour des plans tactiques néfastes à ratata.